Comme toujours, va prendre un train d'avance. Préférer rester seul dans son silence. Jeanne, comme toujours, va garder ses distances. Tout faire pour ne pas faire de connaissance. Pousser en bas un vieil avenir qu'elle a gardé au cœur de ses souvenirs. Elle nous attendra déjà sur l'autre rive, debout là, bien avant l'heure, dans son sourire. Et Jeanne, comme toujours, nous dira qu'en vacances, les amis sont pas là pour les confidences. Jeanne, comme toujours, fera comme si ses blessures sont pas celles qu'on voit sur sa figure. Et Jeanne, comme toujours, dira à toute allure toutes ces choses auxquelles on croit sont jamais sûres.